Chapitre 5e. Une assemblée. Madame Mears, dont le caractère n'avait rien de singulier ni de remarquable, les reçut avec les formalités d'usage en pareille occasion. Madame Harrell ne tarda pas à se mettre au jeu, et Cécile, qui refusa de suivre son exemple, fut se placer à côté de Mademoiselle Leeson, qui se leva pour lui rendre la révérence qu'elle lui avait faite en l'abordant. Après quoi, elle ne daigna pas seulement la regarder. Quoique Cécile aimât beaucoup la conversation et fût née pour la société, elle était cependant trop réservée pour se hasarder de parler à une personne qui répondait si mal à ses avances. En conséquence, elles gardèrent toutes deux le plus profond silence, jusqu'au moment où le chevalier Robert Floyer, M. Harrell et M. Arnott entrèrent ensemble dans l'appartement et s'avancèrent tout de suite vers Cécile. « Se peut-il, Miss Beverley ?» s'écria M. Harrell. Que vous ayez refusé de faire une partie ?»« Je souhaiterais fort, ajouta M. Arnott, pouvoir penser que Miss Beverley n'aima pas le jeu, puisqu'en pareil cas j'aurais du moins l'avantage d'avoir quelque chose de commun avec elle. »« Je ne joue que bien rarement, répondit Cécile, et par conséquent très mal. »« Oh, il faut que vous preniez quelques leçons, dit M. Harrell. Je suis sûr que le chevalier Floyer se fera un honneur de vous en donner. » Le chevalier, qui s'était placé vis-à-vis d'elle pour la fixer plus à son aise, fit une légère inclination de tête. « Je serai une bien mauvaise écolière, » répondit Cécile, « car outre l'application, je manquerai encore de volonté. »« Oh, cela changera, » dit M. Harrell. « Vous n'avez encore été que 3 jours avec nous. Je vous attends au bout de 3 mois, et alors nous verrons la différence. »« Je ne le souhaite pas, » s'écria M. Arnott. « J'espère au contraire qu'il n'y en aura aucune. » M. Harrell ayant été joindre d'autres personnes, et M. Arnott trouvant tous les sièges voisins de celui de Cécile occupé, fit le tour et fut se placer derrière elle, où il resta patiemment pendant tout le reste de la soirée. Le chevalier, de son côté, conserva son poste, et sans se donner la peine d'articuler un seul mot, ne cessa de tenir les yeux attachés sur elle. Cécile, piquée de son impudence, tourna la vue de tous côtés pour se dérober à ses regards. Son embarras prêtant un nouvel éclat à sa beauté ne servit qu'à redoubler une attention qui, sans cela, aurait pu se lasser. Elle fut presque tentée de tourner sa chaise et de se mettre vis-à-vis de M. Arnott. Cependant, quelque envie qu'elle eût de témoigner son mécontentement au chevalier, elle n'osa le faire. Elle ne savait pas encore qu'il fût permis de s'entretenir en particulier avec quelqu'un dans une nombreuse assemblée. Placée aussi désagréablement, elle trouva peu de ressources dans le voisinage de M. Arnott, le désir qu'il avait de s'entretenir avec elle étant absolument réprimé par une impulsion involontaire et inquiétante qui le forçait à observer attentivement les regards et les mouvements du chevalier. À la fin, ennuyée de rester toujours dans cette position fâcheuse, elle prit le parti de chercher à lier conversation avec Mademoiselle Leeson. La difficulté était de savoir comment s'y prendre. Elle ne connaissait aucune des liaisons de cette demoiselle ou de ses amis, et n'était point instruite de sa façon de penser. Le son de sa voix même lui était étranger et son air froid la glaçait. Comme il ne lui restait pourtant que cette seule ressource, elle résolut de la tenter, aimant mieux s'exposer à ses regards peu engageants que d'être continuellement déconcertée par ceux du chevalier. Après une mûre délibération sur le sujet qu'elle choisirait, elle se rappela que Mademoiselle Larolle avait été présente à leur première entrevue, et il lui parut assez vraisemblable qu'elles se connussent. En conséquence, se penchant en avant, elle hasarda de lui demander si elle avait vu depuis peu cette jeune demoiselle. Mademoiselle Leeson, d'une voix qui n'annonçait ni satisfaction ni mécontentement, lui répondit tranquillement « Non, mademoiselle ». Cécile, découragée par le laconisme de cette réponse, garda quelque temps le silence, mais la constance du chevalier à la fixer excita la sienne à tâcher d'éviter ses yeux. Elle s'évertua au point d'ajouter « Madame Mears attend-elle ici ce soir Mademoiselle Larolle ?» Mademoiselle Leeson lui répliqua gravement sans lever la tête « Je ne sais pas, mademoiselle. » Elle se trouva après cela absolument au bout de son rôle et ne savait plus de quoi lui parler, car elle n'imagina plus aucune autre question à pouvoir lui faire relativement à Mademoiselle Larolle. Cécile avait peu d'expérience du monde, mais ce qu'elle en avait appris, elle le savait bien, et ses observations l'avaient convaincue que pour les gens du monde, Les spectacles et les lieux d'assemblée étaient une source intarissable de conversation. Elle espéra donc, en traitant un pareil sujet, elle réussira mieux qu'elle n'avait fait jusqu'alors. Et comme ceux qui ont passé plus de temps dans la province qu'à Londres ne trouvent rien d'aussi intéressant que le théâtre, elle saisit avec avidité cette idée et lui demanda si l'on avait donné depuis peu quelques nouveautés. Mademoiselle Leeson lui répondit avec autant de sécheresse que la première fois « Je ne saurais vous le dire ». Il se fit ici une autre pause. Le courage de Cécile se trouva considérablement ralenti. Mais venant par hasard à se rappeler le nom d'Almack, elle s'arma de courage et, se félicitant elle-même de pouvoir lui parler d'une maison trop fréquentée de la bonne compagnie pour qu'on pût ne pas la connaître, elle lui demanda d'un ton un peu plus assuré s'il n'était pas du nombre des abonnés. « Oui, mademoiselle. Y allez-vous régulièrement ?»« Non, mademoiselle. » Après quoi elles observèrent le plus profond silence. Rebutée du mauvais succès de ces différentes questions particulières, elle imagina qu'une autre plus générale obtiendrait une réponse moins laconique. Elle lui demanda donc quel était pour la saison l'amusement le plus à la mode et le spectacle le plus fréquenté. Cette question à laquelle il était aussi facile de répondre qu'à aucune de celles qui l'avaient précédée eut pour toute réplique « En vérité, je l'ignore ». Cécile commença à désespérer de ses tentatives et pendant quelques minutes à y renoncer comme étant inutile. Ensuite, réfléchissant sur la frivolité des questions qu'elle lui avait faites, elle fut plus indulgente pour ses réponses et elle finit par se persuader qu'elle s'était trompée en prenant pour stupidité ce qui n'était que mépris et à être moins fâchée contre Mademoiselle Leeson que confuse de sa propre erreur. Dans cette idée, elle fit encore une épreuve de ses talents pour les questions et la pria d'excuser la liberté qu'elle osait prendre et de vouloir permettre qu'elle lui demanda s'il paraissait quelques productions littéraires de son goût qu'elle jugea valoir la peine d'être lue. Alors Mademoiselle Leeson leva les yeux et la regarda d'un air qui annonçait qu'elle doutait si elle l'avait bien entendue. Et lorsque la contenance attentive de Cécile lui prouva qu'elle ne s'était pas trompée, son insensibilité fit place pour quelques instants à la surprise. Et avec un peu plus de vivacité qu'elle n'en avait encore montré, elle repartit. « En vérité, je ne me mêle point de tout cela. » Cécile, tout à fait déconcertée, presque fâchée contre elle-même et très irritée contre sa silencieuse voisine, se promit bien que rien ne serait plus capable à l'avenir de l'engager à renouveler une pareille épreuve. Heureusement, elle fut délivrée de l'attention malhonnête du chevalier, qui, satisfait de l'avoir si longtemps considérée, s'approcha de M. Harel, le prit par le bras et ils sortirent ensemble. M. Gosport vint alors aborder Cécile. C'était un homme d'esprit un peu satirique, bon observateur et qui parlait avec facilité. Il lui dit, de manière à n'être pas entendu de Mademoiselle Leeson, « Il y a déjà quelque temps que je désirais de vous aborder. Mais la crainte que j'avais que vous ne fussiez déjà trop étourdi du babil de votre belle voisine m'a empêché d'entrer en conversation. Vous voulez, repartit Cécile, vous moquer de ma démangeaison de parler, et vous avez raison. Car je conviens que le peu de succès de mes tentatives les rend assez ridicules. Ne savez-vous donc pas encore, ajouta-t-il, qu'il existe de certaines jeunes demoiselles qui se sont prescrit la loi de ne jamais parler qu'à leurs intimes amies? Mademoiselle Leeson est de ce nombre, et jusqu'à ce que vous soyez initiée dans sa coterie, vous ne sauriez espérer de lui entendre prononcer un seul mot composé de plus de deux syllabes. Les demoiselles qu'on nomme du bon ton, dont la ville est actuellement infectée, sont divisées en deux classes, qui sont celles qui affectent la gravité et celles qui se piquent de volubilité. Les premières, du nombre desquelles est Mademoiselle Leeson, sont silencieuses, méprisantes, froides, affectées et se font un devoir de ne converser qu'avec leurs semblables. Les autres, telles que Mademoiselle Larolle, sont étourdies, communicatives, turbulentes et entrent sur le champ en conversation avec le premier venu pour peu qu'il attire leur attention. Voici cependant ce que ces deux classes ont de commun. L'une et l'autre ne pensent, quand elles sont au logis, qu'à leur parure. Dans le monde, qu'à être admirées. Et partout, elles ont le plus grand mépris pour tout ce qui n'est pas elles. Probablement, dit Cécile, j'ai passé ce soir pour être de la classe de celles qui se piquent de volubilité. Il est vrai que l'avantage a été tout entier du côté de celles qui affectent le sérieux, car j'ai été absolument repoussée. Êtes-vous sûr cependant de ne vous être pas exprimé trop savamment pour elle? Une enfant de 5 ans qui ne se serait pas mieux exprimée aurait mérité le fouet. Lorsque vous parlez avec des demoiselles du bon ton, ce n'est pas leur capacité seule que vous devez consulter. Car si l'on ne faisait attention qu'à leur jugement, rien ne serait si facile que de se procurer accès auprès d'elles. Pour rendre donc leur commerce un peu plus pénible, il suffit qu'elles se laissent aller à leur humeur, qui est toujours plus variée et plus extraordinaire à proportion que leur esprit est plus faible et moins cultivé. Je possède pourtant une recette que j'ai toujours trouvée infaillible pour s'attirer l'attention des jeunes demoiselles, quel que puisse être leur caractère. « Si cela est ainsi, s'écria Cécile, daignez, je vous prie, m'en faire part, puisqu'il se présente ici la plus belle occasion d'en faire usage et d'éprouver son efficacité. » « Je vous la donnerai, répondit-il, ainsi que les instructions pour vous en servir. Lorsque vous rencontrerez une jeune demoiselle qui paraîtra bien décidée à garder le silence, ou qui se trouve forcée par une question qui lui sera directement adressée, de répondre, se contentera d'articuler une brève affirmative ou froidement une laconique négative, en pareille circonstance, le remède que j'ai à vous proposer consiste en 3 sujets de discours. Quels sont-ils, je vous prie ? La parure, les lieux publics d'assemblée et l'amour. Ces 3 sujets, ajouta-t-il, doivent satisfaire à 3 fins, puisqu'il n'y a pas moins de 3 causes qui puissent occasionner le silence des jeunes demoiselles, le chagrin, l'affection et la stupidité. N'accordez-vous donc rien, s'écria Cécile, à la modestie. Au contraire, répartit-il. Considéré comme servant d'excuse et même comme une espèce d'équivalent pour le manque d'esprit, je lui accorde beaucoup. Mais quant à ce silence stupide qui résiste à toutes les avances, ce n'est qu'un simple prétexte et point une cause. Il faut cependant, si vous voulez que je profite de vos instructions, que vous preniez la peine de vous expliquer plus clairement. Eh bien donc, répondit-il, je vais vous faire une courte énumération des 3 causes avec les instructions nécessaires pour les 3 méthodes propres à les guérir. Pour commencer par le chagrin, la taciturnité qui en résulte est ordinairement suivie d'une distraction incurable et d'une insouciance totale de toute observation. Alors les lieux d'assemblée publique peuvent être bainement fréquentés et la parure même sans effet. Mais l'amour... Êtes-vous donc sûr, dit Cécile en riant, que le chagrin n'ait pas d'autre ressource ? Nullement, répondit-il, car il peut arriver que le papa ait eu de l'humeur, que maman ait grondé, que la marchande de mode ait envoyé un pompon pour un autre, que celle sous les auspices de qui elle devait aller à l'assemblée soit tombée subitement malade. Voilà en vérité des sujets bien graves d'affliction. Sont-ce les seuls que vous puissiez citer ? Oui, sans doute, et que peut-il jamais arriver de plus sérieux ? Ainsi donc, si le chagrin de la belle patiente procède de papa, de maman ou de la gouvernante, alors la moindre mention des lieux publics d'assemblée, ces causes éternelles de dissension entre les vieilles et les jeunes gens, attirent leurs plaintes, et les plaintes portent avec elles leurs propres remèdes. Car ceux qui se plaignent se consolent facilement. Si la marchande de mode a occasionné la tristesse, les détails de la parure produiront le même effet. Et dans le cas où ces 2 remèdes viendraient à manquer, l'amour, ainsi que je l'ai déjà dit, se trouve être une ressource infaillible. Car alors on aura épuisé tous les sujets de chagrin dont une jeune demoiselle soit jamais susceptible. « Il faut avouer qu'elles vous ont de grandes obligations, » répartit Cécile, en lui faisant une profonde inclination, « de leur supposer des objets de chagrin aussi terribles. Et je vous en remercie au nom de mon sexe. »« Vous, mademoiselle, » ajouta-t-il en lui rendant son salut, « vous êtes sûrement une heureuse exception à la règle générale. Vous ne paraissez pas susceptible de chagrin de cette espèce. Je passe à présent au silence affecté qui se manifeste d'abord par des regards à l'aventure autour de soi, pour voir si l'on est aperçu, par une attention scrupuleuse à s'abstenir du moindre sourire, et par une variété d'attitudes qui toutes expriment le mécontentement d'être si peu remarquées. La parure et les spectacles deviennent alors une ressource insuffisante. Il faut parler de galanterie, d'aventure où l'amour a eu part, alors la statue s'anime, vous écoute peu à peu. Un sourire que l'on cherche vainement à déguiser décompose entièrement les traits du visage et l'affaire se trouve tout à coup terminée, car la jeune demoiselle soutient un système ou argumente contre quelques propositions avant qu'elle s'aperçoive qu'on est parvenu à lui faire rompre son triste silence. « On voit là assez, » dit Cécile, relativement au chagrin et à l'affectation. « Il est temps d'en venir à la stupidité, qui est vraisemblablement la plus connue des trois causes, et que je serai le plus souvent dans le cas de rencontrer. » « Celle-ci ne sera pas aussi facile à définir que les autres, » repartit-il. « En ce cas, on peut parler d'amour sans exciter la moindre émotion, ou sans s'attirer aucune réponse, et disserter sur la parure, sans produire d'autre effet que celui d'une surprise momentanée. Tandis qu'en parlant des lieux d'assemblée, on est parfaitement sûr de réussir. Les personnes d'un caractère froid et pesant, que l'esprit ou la raison n'ont point le pouvoir d'émouvoir, parce qu'ils sont incapables d'en sentir le prix, qui sont destitués intérieurement de toute espèce de faculté de s'amuser, ont besoin d'être aiguillonnés par le brillant, le bruit et le fracas, sans quoi l'on ne saurait ni les intéresser, ni les tirer de leur léthargie. Entretenez de pareils sujets, ils vous adoreront. Il est égal que ce que vous leur raconterez soit propre à inspirer la joie ou l'horreur. Pourvu que la sensation soit forte, ils seront satisfaits. Le récit d'un combat leur est aussi agréable que celui de la cérémonie d'un couronnement, et une pompe funèbre les amuse tout autant qu'un mariage. « Je vous suis très redevable, » ajouta Cécile en souriant, « de vos instructions. J'avoue que je ne saurais trop comment en faire usage dans cette conjecture. J'ai déjà parlé des lieux d'assemblée, et cet essai ne m'a pas réussi. Je n'ose pas faire mention de la parure, dont je ne possède point encore les termes techniques. » Ils furent alors interrompus par l'arrivée de Mademoiselle Larolle, qui, s'approchant de Cécile, s'écria « Bon Dieu, que je suis enchanté de vous voir. À propos, savez-vous qu'il m'est arrivé cette soirée la chose du monde la plus fâcheuse? J'en suis tout à fait malade. Je n'ai jamais été de ma vie si en colère. Vous ne sauriez concevoir rien de pareil. » « De pareil à quoi ? » s'écria Cécile en éclatant de rire. « À votre colère ou à votre malheur ? Je vais vous dire ce dont il s'agit, et vous jugerez vous-même si cela peut se souffrir. J'avais chargé une de mes amies intimes, Miss Mossat, de m'acheter, lors de son voyage à Paris, une garniture de robes. Eh bien, il y a environ un mois qu'elle me l'envoya par M. Meadows. C'est certainement tout ce qu'on peut voir au monde de plus joli. Je n'ai pas voulu encore m'en servir, parce qu'il n'y avait presque personne à Londres. Je comptais donc la faire paraître au bout de 8 jours, et qu'elle serait la seule et la première de son espèce. Eh bien, ce soir, à l'assemblée du Milady Jeanne Dranet, le croiriez-vous, j'ai rencontré Miss Mossat. Il y avait déjà quelques jours qu'elle était arrivée, et elle avait eu tant d'affaires qu'il ne m'avait pas été possible de la trouver chez elle. J'ai été enchanté de la voir, car vous saurez que je l'aime prodigieusement. J'ai donc couru pour l'embrasser. Croiriez-vous bien que la première chose qui m'a frappé la vue a été une garniture précisément la même que la mienne, sur une vilaine et odieuse robe presque sale? Peut-on rien imaginer de plus chagrinant? J'aurais pleuré de bon cœur. « Pourquoi cela ? » dit Cécile. « Si sa garniture est sale, la vôtre en aura plus d'éclat. Au ciel ! Tout le monde la croira passée de mode. La moitié de la ville en aura de pareil, et je me suis presque ruiné pour la payer. Je ne crois pas qu'il soit jamais rien arrivé d'aussi mortifiant. J'en étais si fort affecté qu'à peine ai-je eu la force de lui parler. Si elle avait séjourné un mois ou deux de plus à Paris, cela n'aurait rien fait. Mais il est bien cruel qu'elle arrive précisément dans ce moment. » Je voudrais qu'on eût retenu ses hardes à la douane jusqu'à l'été prochain. « Ses vœux sont bien flatteurs, » dit Cécile, de la part d'une intime amie. Les parties étant finies, Cécile, aussi fatiguée du commencement de la soirée qu'amusée de la fin, accepta la main de M. Arnott, qui l'aida à monter en carrosse.